after. Je viens de me lever, j'ai la gueule dans le pâté. Je me dis que ce boulot de chien, il me fait peur. Ça y est, je vais pouvoir buer toute la journée l'eau. Devant ma chaîne, tout habillé, prêt à répéter toujours le même geste. Aïe, je vais pouvoir commencer. C'est pas le moment de retourner sa veste lourde. Ça dort pour la journée, petite nuit à travailler. Ça fait 10 morts pour la journée, même ça fait chier. Un mort pour la journée, pour continuer à travailler. Ça fait 100 morts pour la journée. Si on passe, on y va gueuler. Enfin midi, c'est la pause. Ouais, je vais pouvoir aller me ressourcer. Arrêtez de faire la même chose. Et peut-être avoir un sourire, qui sait. Ça fait 100 morts pour la journée. Si on patrouille, va gueuler.